Où tu habites, toi, Pierre ? Moi, j'habite dans le sud de Marseille. Ah bon ? C'est super ! Près de la plage, alors ? Oui, il y a même plusieurs plages. Et tu habites près du port ? Non, pas vraiment. Je suis plutôt à côté du palais de justice. Ah, d'accord. Eh bien, dis donc, c'est bien chic comme endroit. C'est génial comme quartier, non ? Oui, c'est un quartier agréable et très vivant. Et juste à côté de chez moi, il y a un cinéma et un très grand marché. Et pour aller au centre, il y a une station de métro tout près. Tu sais, près de la place Castellane.